Vous êtes sur Nat Peno Wild et nous allons aujourd'hui étudier le mode de reproduction du loup ibérique des plaines de Côte d'Armor. Dans un monde où les réseaux sociaux et où les sites de rencontres ont remplacé le tact et l'élégance. Dans un monde où les likes ont remplacé le charme et le charisme. Dans un monde où les filtres Instagram et la cyberpopularité vaut bien plus qu'une culture et un savoir-vivre dans une relation. Vous êtes jugé à votre paraître et non plus à votre être. Pas besoin d'être beau ou musclé pour chasser le sexe opposé, ou sexe inférieur, suivant les mœurs de chacun. Foutez une photo de profil, de pleine face, trois filtres, effacez votre gros nez et faites disparaître tous vos bourrelets. Votre nez va devenir aussi lisse que les fesses de Mathieu Delormeau la veille d'une épilation spécialement effectuée pour la Gay Pride du lendemain. Vous voilà en ligne. Direction Tinder, Adopte un mec, Badou, et même LinkedIn pour les plus performants. Likez ou dislikez celles qui vous plaisent. Elles sont brunes, blondes, rousses, coiffeuses, étudiantes en droit, attachées de presse, puéricultrice, serveuse, michetonneuse. 4 photos s'offrent à vous. Bien entendu, aucun détail notable qui pourrait vous repousser à rencontrer cette horreur autour d'un mojito à 12€ place de la République. Elle commence à vous parler de son ex, puis enchaîne sur le fait qu'elle ne boit pas, ne fume pas, et passe énormément de temps avec son meilleur pote gay comme un phoque. Ça devient lugubre. Ils dorment ensemble, oui, mais ça ne choquera que toi. Elle n'a pas le permis, pas de scooter, pas de passe Navigo. Par contre, elle a toutes les cartes de réduction possibles chez Sephora et tous les trucs idéaux pour être la parfaite petite salope qui ne paiera pas son verre. Te voilà donc avec une facture de 20€, une conversation burlesque comme un discours de Mimi Mati à l'enterrement de Passepartout et une sacrée envie de chier. Et elle ose me demander ce que je fais dans la vie. C'est pas compliqué. Dans ce genre de situation, il est préférable d'aggraver votre cas. Ça fera au moins une histoire drôle à raconter à vos potes. Moi, j'étais fleuriste et je suis devenu croque-mort l'année dernière. L'avantage, c'est que j'ai su me faire un carnet d'adresses assez important qui me permet de mettre en relation les familles des défunts directement avec les fleuristes les plus compétents. C'est du one shot. Ton meilleur ami décède, je l'enterre et je le fais fleurir jusqu'à ton propre décès. J'ai pour projet de créer mon application pour iPhone. Sinon à côté, je fais du badminton dans une maison de retraite tous les mercredis. Ça me fait plaisir quand je vois arriver au boulot un corps bien ferme. C'est plus facile à coudre. On peut dire que je suis visionnaire en quelque sorte. À ce moment, j'ai constaté qu'elle n'avait plus aucun ongle à ronger. Plus de batterie et aucun truc à fixer à part mes yeux tarés sous MD qui vont de droite à gauche comme une big black coke dans Mia Khalifa en POV. Des gouttes de sueur arrivaient sur ses bras poilus. C'était du jamais vu. Bravo salope, t'es tombé sur plus fort que toi aujourd'hui. Ton ex que tu as largué comme une pauvre merde est désormais vengé. Je vais commander un autre mojito avec un panini au thon et je vais me barrer sans payer. Avec un peu de chance, tu comprendras la métaphore et ta carte électron devrait accepter ce paiement de 34€. C'était une vraie crevette. J'aurais tout mangé sauf la tête. Je vais maintenant écrire son numéro dans les chiottes de la prochaine aire d'autoroute que je vais croiser en précisant qu'elle a besoin d'amour. A bientôt sur les réseaux sociaux. Sale pute.